c'est pour toutes les races, aïe. Pour les vrais pas pour les aptailles. Pour les merdes, c'est fiche, pour ceux qui pigent leur vice fiche dans une faille. Je fous le feu. Pour tous les mecs harcelés par la louche, fous le feu. Tous les pays sous le feu parsemés de cartouches. Yeah. Les gens seuls qui tentent de s'en sortir. Les anti-sarcos, les rôles dans les argots. Aux jugés coupables à tort, à ceux qui protègent la terre, aux contestataires, à ceux qui votent pas pour les porcs. À ceux trop forts pour les rêveurs, hip-hop forever. Et si pas de flow, wapa, wapa, c'est plus, et puis oui. Pour tous les mecs qui voudraient se parer, les rôdeurs, les barreaux. Les maisons d'arrêt, les pressos et les cistas, les écartés du système, les sous-sas, les collectionneurs, crasse ce souci. Mon assistance à planète en danger, on va tous manger, qu'on soit pauvre, riche, blanc ou étranger. Quoi qu'il se passe, fais-toi une place. Écoute pas ce qui jacasse, mec, fais ta vie trace. Yo, yo, ouais, relève la tête, mon pote, que le malheur chop. La vie n'est pas soft, elle est hard quand ça fait pop, pop, pop, pop, ouais. Mais tout le monde sait que la route tourne non-stop. Ton avenir n'est pas en sac, même c'est comme les pop, pop, pop. Relève la tête mon pote que le malheur chop. La vie n'est pas soft, elle est hard quand ça fait pop pop pop pop, ouais. Mais tout le monde sait que la route tourne non-stop. Ton avenir n'est pas en sac, même c'est comme les pop pop pop, ouais. Relève la tête mon pote que le malheur chop. La vie n'est pas soft, elle est hard quand ça fait pop pop pop pop, ouais. Mais tout le monde sait que la route tourne non-stop. Ton avenir n'est pas en sac, même c'est comme les pop pop pop, ouais. Relève la tête mon pote que le malheur chop. La vie n'est pas soft, elle est hard quand ça fait pop pop pop pop, ouais. Mais tout le monde sait que la route tourne non-stop. Ton avenir n'est pas en sac, même c'est comme les pop pop pop, ouais.